Checking out the Fat Corner. Only at Cotterman. Ok, tranquillamente. Clandestin SOK LAK. Le 7, DJ Yaz, Demolisha. Ok, moi je représente l'underground, les mecs raides qui ont pas de l'ouf pour se faire schnickard dans les mags ou par Jif ou les titaves. Pub à base de tag, fume camas de taille, nique sa race le flag et les poules à bite qui gavent. Il faut que je rentre plus dans les détails, que je me dévoile, que j'étale mes sentiments juste pour parler de mon état d'esprit. Alors je déballe ces quelques mots car il est vrai que je pédale dans la semoule et telle une fleur. J'ai perdu mes pétales. Essayer d'être posé sur un calme et reposé. Mais y'a trop de sentiments que j'arrive pas à transposer. Désolé, j'ai du mal à mesurer ma chance. Coincé entre la loi du talion et le roi du silence. Faudrait essayer de voir, tenter de pouvoir le voir, revoir, brûler notre histoire et vouloir le pouvoir. Croire que tout peut arriver avec un peu d'espoir. Même si notre avenir reste toujours teinté de hasard. Faudrait essayer, comme un disque rayé, de se répéter aussi souvent que les factures à payer. Music power. Mon son des forailles, comme des failles, naturellement high. En mode lion, Rastafari. Vas-y ma garce, Rastafari. C'est quoi, je suis pas le barbier de Séville, mais le matou pour lequel tu trompes ton goré. Et ouais ma gueule, pareil que j'énerve. Alors